En Corée du Sud, Yonhap News et la radio MBC ont informé que le comité de mesures urgentes de la zone industrielle de Kaesong a organisé le 8 juillet une conférence de presse et protesté auprès des autorités qui ont interrompu unilatéralement les activités dans la zone industrielle de Kaesong.